À l'affiche de la Maison du cinéma de Sherbrooke, du 12 au 18 décembre, La cloche et l'idiot 2, des réalisateurs Peter et Bobby Farrelly, en version française. Tiens, regarde. Même après 20 ans, il vient encore le voir. Comment ça va aujourd'hui? Je t'ai apporté tes bonbons préférés. Je t'en prie, Lloyd, faut que t'arrêtes de penser à elle. Mary Samsonite n'en vaut pas la peine. C'est ça, vas-y, crache le morceau. Je t'ai bien eu. Attends une minute, tu veux dire que t'as fait semblant pendant 20 ans? Mm-hmm. Et tout ça pour un gag? Ouais. C'est génial. Tu peux me pousser à l'intérieur pour que l'infirmière m'enlève le cathéter? Pas besoin d'infirmière pour ça. Mais tu crois pas que... J'aime bien ce que t'as fait à l'appart. C'est qui ça? Oh, c'est Trou de cul. Je l'ai trouvé dans la ruelle. Pourquoi tu l'appelais Trou de cul? À cause de ça. Ah, je vois. Il porte bien son nom. Oh, une carte postale de Frida Felcher. Harry, je suis enceinte, appelle-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, tu crois? Lloyd, je vais être papa. Ah, regarde de quand ça date, 1991. J'ai eu une fille, je l'ai abandonnée, elle a été adoptée. On pourrait peut-être se lancer à sa recherche. T'es attiré par ma fille? Quoi? C'est pas vrai? Quoi? C'est pas vrai? T'es malade. J'aime trop ça. Je suis sûr qu'elle sera très contente de voir tout ce que vous avez fait pour la retrouver. Appelons-la. Ça sonne. Qui vous soyez, vous appelez à un très mauvais moment. C'est ton père. Quoi? Désolé, je sais que le moment est mal choisi, mais c'est mon père. Et il appelle de l'au-delà. Elle m'a mis en attente. Oui, grand-mère. J'ai les diamants. Mikey, t'écoute. Ils sont ici, en dessous. Tu les as vraiment cachés dans cette dalle? Oui, tu y es presque un peu plus loin entre les deux pylônes. Il n'y a pas de diamants là-dedans. Et tu n'es pas mon petit-fils. Harry, je me suis fait prendre. Elle est en train de m'inspirer. Oh! Tiens, tu peux rayer ça de ta liste maintenant. Les pingouins de Madagascar. Des réalisateurs Simon J. Smith et Eric Darnell. En version française. C'est votre capitaine qui vous parle. Vous connaissez déjà les pingouins de Madagascar, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont une double vie. Ils sont agents secrets. L'histoire commence lorsque quatre frères... C'est vous, ma famille? Tu n'as pas de famille et on va tous mourir. Quoi? Qu'est-ce qui te prend, Kowalski? Grandissent en passant maître dans l'art du camouflage, de l'espionnage et des attaques aériennes. Suivez-moi, les petits gars, on attaque pendant que c'est chaud. C'est chaud. Enlève pas ça, les frères Sadar. Mais lorsqu'il s'agit de maîtriser un fou, je suis capable de vous détruire. Ils vont avoir de la concurrence. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Restons calmes, les pingouins. Vous êtes maintenant sous la protection du vent du Nord. On sait même pas ce que vous faites dans la vie. Le vent du Nord est un commando d'élite secret interespèce. Un commando secret d'élite interespèce. D'intervention. Dont la vocation est d'assister. Dont la vocation est d'assister les animaux qui ne peuvent pas s'assister tout seuls. Ce Noël... On a un fou visqueux en première ligne. C'est moi qui donne les ordres ici. Je t'avais dit de leur mettre les menottes. Mais ils ont pas de mains. Ils ont que des nageoires. Et moi j'ai que des nageoires aussi. Alors on nage en plein délire. Quand le monde est en danger... Poursuivez-les. Allez go les petits gars. On fait comme à Cuba. Venise, Rio de Janeiro, Düsseldorf. Nous avons atterri dans le centre de Dublin en Irlande. On se fond dans le décor. Salsa Celtic. Les héros, on a besoin de personne, deviennent des légendes. Les pingouins sont la chair de nos plumes. Si quelqu'un doit nous sauver, ce sera nous. Par les créateurs de Madagascar. Il a piraté notre système. Dave. On n'entend rien. Dave, votre micro, il est pas branché. Cliquez là où il y a le petit dessin à d'un micro. À chaque fois, c'est pareil quand un méchant appelle. Allô? Voilà, c'est bien, on vous entend, mais on vous voit plus. J'ai l'impression de téléphoner à mes parents. Les pingouins de Madagascar, de DreamWorks. On a besoin d'infos sur la planque de Dave. Où se planque Dave? Dis-nous tout. Tu vas parler, oui? Chef, c'est un bébé pieuvre. Désolé, petit loup.

Méchant patron 2, du réalisateur Sean Enders, en version française. Ah, salut Nick. Le gars qui m'a sauvé la vie, le gars qui a sauté ma femme. Ah, ce n'était qu'une... Laisse-le. Ok, tais-toi. Désolé. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Dites-lui salut de ma part. Vous êtes des criminels. Vous avez essayé de tuer vos patrons, et là, vous vous apprêtez à faire un enlèvement. Ça marche pas à tous les coups, voyons. Vous êtes les criminels les plus cinglés que je connais. Vous voulez faire ce coup-là ? Ayez l'air vrai. Ok. Ah, ça c'était embarrassant. On essaie de marcher de façon super cool au ralenti. T'en fais pas, man. Relax, non, non, c'est terminé. Allons-y. Débile mental, cette pas, idée. Man. Salut les gars. T'as essayé sur une chaise de dentiste ? Qu'est-ce que tu dirais de préparer la chaise ? Pendant ce temps-là, j'irai au petit coin en vitesse. Tu sais, tu peux le faire sur moi. Eh bien, c'est un numéro. Et alors ? Turn down for what ? Mommy, du réalisateur Xavier Dolan, en version originale française. Écoutez, Diane, la pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. L'amour a rien à voir là-dedans. Les sceptiques seront confondus. Je vais te faire aligner solide, moi, tu vas voir. On va te faire l'école à la maison, le temps que tu reprennes le billet d'école normale. Allez, là, l'hostie, ça fait 24 heures que t'es revenu, que le mec s'est pogné en grandeur, va falloir que tu te ramasses, OK? Vas-tu maintenir la graine que je pisse aussi? Assieds-toi là, ferme ta gueule. Bonjour, Diane. Shut up! Si t'as ton gars temps plein pis tu peux plus te pointer, ramasse tes clics pis tes claques pis sayonara, ma gadaille. Calme-moi, là. On va t'être un team, nous deux. On va prendre soin de toi, te protéger. En l'air fine, ma nouvelle voisine. Si le maîtresse d'école, c'est à sabbatier. Penses-tu que tu pourrais me rendre un petit service? Hello! Ben, merci, Kyla. Ben, ça a l'air de rien de même, mais on t'a prêt à repoigner le beat, pas de vrai. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Steve, c'est un violon. C'est mon petit gars, il a bien du charisme, mais quand t'es pas infuse, t'en souhaites d'être là, ben ça jouera. On sait qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big fucking time. C'est juste une question de temps. Bonne chance, madame. Plus moins, on sait encore, hein? Mon Dieu. C'est ça qu'on fait mieux, mon homme.